Chapitre 39e. Réconciliation. Marguerite, après avoir quitté Mrs. Thornton, s'était enfermée dans sa chambre. Elle commença à marcher à grands pas, selon son habitude, lorsqu'elle était agitée. Mais, réfléchissant soudain que dans cette habitation si légèrement construite, tous les mouvements s'entendaient d'une chambre à l'autre, elle s'assit et resta immobile jusqu'à ce qu'elle eût entendu Mrs. Thornton sortir de la maison. Elle essaya alors de se rappeler la conversation qui venait d'avoir lieu. Elle força sa mémoire de la lui répéter mot à mot, puis elle se leva et dit avec tristesse. « Dans tous les cas, ces paroles ne m'atteignent pas. Elles tombent d'elles-mêmes, et je suis innocente de tous les honteux motifs qu'il m'attribue. Pourtant, il est dur de penser qu'une femme puisse croire si aisément de pareilles choses d'une autre femme. C'est dur et triste. Elle ne m'accuse pas des torts que j'ai eus réellement. Elle ne les soupçonne même pas. Il ne les lui a pas révélés, j'aurais dû deviner qu'il ne dirait rien. » Elle releva la tête, comme si elle s'enorgueillissait d'un trait de délicatesse de la part de Mr. Thornton, puis, frappée d'une idée nouvelle, elle joignit les mains et s'écria. « Lui aussi doit prendre Frédéric pour... » Elle rougit à la pensée qui traversa son esprit. « Je vois tout maintenant. Non seulement il sait ma faute, mais il croit que quelqu'un m'aime et que moi... Oh mon Dieu, que faire? Mais quoi ? Ai-je donc souci de lui autrement qu'en ce qui touche l'opinion mauvaise qu'il doit avoir conçue de moi pour n'avoir pas dit la vérité? Je ne sais, mais je suis bien malheureuse. Oh, que cette année qui vient de s'écouler a été désastreuse pour moi. J'ai passé tout d'un coup de l'enfance à la vieillesse. Je n'ai pas eu de jeunesse. Toutes les espérances de la femme me sont interdites car je ne me marierai jamais. Et je prévois les soucis et les douleurs comme si j'étais une vieille femme. Et avec le même esprit de crainte. Je suis fatigué de cet appel continuel fait à mon énergie. Je pourrais supporter bien des choses pour mon père, parce que c'est un devoir pieux et sacré. Il me semble que j'aurais pu supporter encore les soupçons injustes et impertinents de Mrs. Thornton, mais il est trop pénible de penser que lui me juge si mal. Qu'est-ce qui me rend si morose aujourd'hui? Je l'ignore. Je sens seulement que je n'y puis rien. Il faut bien céder quelquefois à la tristesse. « Eh bien non, je ne le veux pas, » dit-elle en se levant avec effort. « Je ne le veux pas. Je ne veux pas penser ni à moi-même ni à ma position. Je ne veux pas examiner mon cœur, car cela ne servirait plus à rien maintenant. Plus tard, si je vis, quand je serai vieille, quelque soir assise au coin de mon feu, les yeux fixés sur les tisons, je réfléchirai peut-être à ce qu'aurait pu être ma vie. » Tout en pensant ainsi, elle s'habillait pour sortir, s'interrompant de temps à autre pour s'essuyer les yeux avec un geste d'impatience entre les larmes qui, en dépit d'elle-même et de sa résolution, venaient sillonner ses joues. Sans doute plus d'une femme s'est trompée déjà comme moi et a trop tard découvert sa méprise, et quand je pense avec quel orgueil et quelle impertinence je lui ai parlé ce jour-là. Mais alors je ne me connaissais pas. Ce sentiment m'a gagné peu à peu, et je ne saurais dire quand il a commencé, mais je serai forte. Il me sera difficile d'être avec lui comme auparavant. Maintenant que j'ai la conscience de ce que j'éprouve, n'importe, je serai calme, je parlerai peu. Mais à quoi bon me tourmenter? Je ne le reverrai peut-être plus. Il nous fuit, évidemment. Ah, ça serait pire que tout le reste. Et pourtant, il n'est pas étonnant qu'il m'évite avec l'idée qu'il a de moi. Elle sortit et se dirigea vers la campagne, essayant de chasser, par la rapidité de la marche, les tristes réflexions qui l'obsédaient. En rentrant, elle rencontra son père qui lui dit « Tu es une bonne fille. Tu as été voir Mrs. Butcher. Je voulais y aller moi-même avant le dîner, mais je n'ai pas eu le temps. »« Non, mon père, je n'y suis pas allé, » dit Marguerite en rougissant. « Je l'ai complètement oublié. Mais j'irai aussitôt après le dîner, pendant que vous ferez votre méridienne. » Marguerite y alla donc. Mrs. Butcher était fort souffrante, malade réellement, et non pas indisposée. L'excellente voisine qui s'était montrée si secourable le jour de la mort de Butcher semblait avoir pris la charge de cette maison. Une partie des enfants avait trouvé place chez les voisins. Mary Higgins était venue prendre les trois plus jeunes à l'heure du dîner, et Nicholas était allé chercher le médecin. Celui-ci n'était pas encore arrivé. Mrs. Butcher semblait mourante. Il n'y avait qu'à attendre, car Marguerite voulait savoir l'opinion du docteur. Elle crut donc ne pouvoir mieux faire que d'aller voir les Higgins dans l'intervalle. Elle apprendrait peut-être de Nicholas s'il avait tenté une démarche auprès de Mr. Thornton. elle trouva ce brave homme fort occupé à faire tourner un penny sur le buffet, en manière de toupie, pour l'amusement des trois plus jeunes enfants qui se pressaient autour de lui avec une caressante familiarité. Il paraissait, ainsi qu'eux, enchanté du succès de son invention, et Marguerite pensa que le sourire qui éclairait sa physionomie était de bon augure. Lorsque le penny s'arrêta après avoir ronflé quelque temps, le petit Johnny commença à pleurer. Viens avec moi, dit Marguerite, et le prenant dans ses bras, elle appuya sa montre contre l'oreille de l'enfant, tout en demandant à Nicholas s'il avait vu Mr. Thornton. La physionomie du tissant changea soudain d'expression. Oui, je ne l'ai que trop vu et entendu. Il vous a donc refusé, dit Marguerite. Sans doute, je le savais d'avance. Il ne fait pas bon demander des grâces à ces patrons-là. Vous êtes étrangère, vous, et vous ne connaissez pas leurs manières, mais je les connais, moi. Je regrette alors de vous avoir engagé à cette démarche. Est-ce qu'il s'est fâché? Il ne vous a pas parlé aussi rudement que Hamper, n'est-ce pas? À dire le vrai, il n'a pas été plus civil qu'il ne faut, dit Nicholas, remettant le penny en mouvement autant pour son amusement que pour celui des enfants. Mais ne vous en tourmentez pas, je ne suis pas plus malade. Je recommencerai à courir demain. Je lui ai rendu sa monnaie. Je lui ai dit que je n'aurais pas eu assez bonne opinion de lui pour venir une seconde fois de mon propre mouvement, mais que vous m'aviez conseillé de revenir et que je vous en étais bien obligé. Vous lui avez dit que c'était moi qui vous envoyais? Je ne sais pas si je lui ai dit votre nom. Je ne le crois pas toujours. J'ai dit qu'une femme, qui n'en savait pas plus long, m'avait conseillé de venir voir s'il n'y avait pas une place dans son cœur qui ne fût pas dur comme un caillou. Et lui? Demanda Marguerite. Lui m'a dit de vous engager à vous mêler de vos affaires. Voilà la première fois qu'il tourne aussi longtemps, mes garçons. Vous ne trouverez peut-être pas cela trop honnête, et pourtant ce sont des paroles civiles auprès de ce qu'il a dit pour moi. Mais, comme je vous le dis, ne vous en inquiétez pas. Nous n'en sommes toujours qu'où nous en étions, et j'irai casser des pierres sur la route avant de laisser jeûner ces pauvres petits. Marguerite remit le petit Johnny, qui se débattait dans ses bras, à l'endroit où elle l'avait pris, sur le buffet, théâtre des exploits du penny. « Je suis bien fâchée de vous avoir envoyé chez Mr. Thornton, » dit-elle. « Je m'attendais à mieux que cela de sa part. » Un léger bruit se fit entendre. La jeune fille ainsi que Nicholas se retournèrent en même temps et se trouvèrent en présence de Mr. Thornton, dont le visage exprimait une pénible surprise. Obéissant à un premier mouvement, Marguerite sortit en passant devant lui sans dire un mot et s'inclina profondément pour cacher la pâleur soudaine qu'il sentait se répandre sur ses joues. Il lui rendit son salut jusqu'à terre, puis ferma la porte lorsqu'elle fut sortie. Elle entendit le bruit du pen, ce qui sembla combler la mesure de sa mortification. Lui aussi était contrarié de la trouver là. Il avait dans le cœur un endroit pas trop dur, comme disait Nicholas Higgins, mais il mettait son amour-propre à le cacher. Il le gardait avec soin, et se montrait jaloux de n'y laisser pénétrer personne. Tout en craignant d'exposer cet endroit sensible au regard profane, il désirait pourtant que personne ne pût l'accuser d'injustice, et il reconnaissait qu'il y avait eu de l'injustice à recevoir si mal, à écouter si peu un homme qui avait patiemment attendu 5 heures durant l'occasion de lui parler. Si cet homme avait laissé échapper quelques paroles railleuses, Mr. Thornton ne pouvait lui en vouloir, car il sentait qu'il les avait lui-même provoquées. C'était surtout les 5 heures d'attente qui l'avaient frappé. Lui ne pouvait disposer de 5 heures, mais 1 heure, 2 heures même, prises sur son travail intellectuel, furent consacrées à s'informer plus amplement du caractère, de la réputation de Higgins, de sa manière de vivre, et de la véracité de l'histoire qu'il était venu lui raconter. Il voulait douter, mais il fut convaincu, malgré lui, que cet homme avait dit la vérité, et cette conviction, en pénétrant dans son esprit, alla, par un charme magique, toucher l'endroit pas trop dur de son cœur. La patience de cet homme, la généreuse simplicité de ses motifs, car Mr. Thornton avait appris sa querelle avec Butcher, lui firent oublier les raisonnements d'une stricte justice et l'entraînèrent à passer outre par une divine intuition. Il venait donc dire à Higgins qu'il lui donnerait de l'ouvrage et il fut plus contrarié de trouver la Marguerite que d'entendre ce qu'elle disait, car il comprit alors que c'était elle qui avait poussé Higgins à l'aller trouver. Et il craignait d'admettre dans sa pensée que l'influence de Marguerite le détermina à ce qu'il voulait faire uniquement par devoir. Ainsi, dit-il avec indignation à Higgins, c'est de cette dame que vous vouliez parler comme d'une femme. Vous auriez bien pu me dire qui c'était. et alors peut-être vous auriez parlé plus honnêtement que vous n'avez fait. Vous avez une mère, pourtant, et cela aurait dû tenir en bride votre langue, quand vous avez dit que les femmes étaient la cause de tous les maux. Et sans doute, vous avez répété cela à Miss Hale. Sans doute. À tout le moins, je lui ai dit qu'elle ne devait plus se mêler de vos affaires. À qui sont ces enfants? À vous? Dit alors Mr. Thornton, qui devinait bien qui ils étaient d'après les renseignements qu'il avait pris, mais qui prenait ce faux fuyant pour changer de conversation. À moi et pas à moi, répondit Higgins. Ce sont les enfants dont vous m'avez parlé ce matin. Quand vous m'avez dit, reprit Higgins en se détournant avec une colère mal étouffée, que mon histoire pouvait être vraie ou non, mais qu'elle était très invraisemblable, monsieur, je ne l'ai pas oubliée. Mr. Thornton garda un instant le silence, puis il reprit. Ni moi non plus. Je me rappelle ce que j'ai dit. Je vous ai parlé alors comme je n'aurais pas dû le faire. Je ne vous croyais pas. Moi-même, je n'aurais jamais pris la charge des enfants d'un autre, surtout si cet autre avait agi à mon égard comme Butcher s'est comporté envers vous. Mais je sais maintenant que vous avez dit la vérité et je vous demande pardon. » Higgins ne se retourna pas et ne répondit pas tout de suite. Mais lorsqu'il parla, ce fut d'un ton radouci, bien que ses paroles furent assez brusques. « Vous n'avez pas besoin d'aller rechercher ce qui s'est passé entre Butcher et moi. Il est mort et j'en suis fâché. En voilà assez. Je suis du même avis. Voulez-vous prendre de l'ouvrage chez moi? Voilà ce que je suis venu vous proposer. » L'opiniâtreté de Higgins chancela, puis reprit pied et se raffermit. Il ne répondit point. Mr. Thornton ne voulait pas renouveler sa demande. Les yeux de Higgins tombèrent sur les enfants. « Vous m'avez traité d'audacieux, de menteur, de bout de feu, et vous auriez pu ajouter, sans vous tromper, que j'allais boire de temps en temps. Et moi, je vous appelais tyran, vieux bulldog, maître dur et cruel. Voilà où en sont les choses. » Mais pour le bien des enfants, patron, pensez-vous que nous puissions malgré tout cela nous accorder ensemble ? Eh, dit Mr. Thornton en souriant admis, ce n'était pas précisément là ma proposition, mais du moins, après vos propres paroles, nous ne pourrons guère, en nous connaissant mieux, avoir une plus mauvaise opinion l'un de l'autre que maintenant. C'est vrai, dit Higgins de l'air d'un homme qui réfléchit. Depuis ce matin, je n'ai cessé de me dire que c'était un grand honneur pour moi de n'avoir pas été pris au mot, et que je n'avais jamais vu personne qui me déplût autant que vous. Mais c'est peut-être un jugement téméraire, et après tout, l'ouvrage est toujours l'ouvrage, pour nous autres. Ainsi, patron, j'irai chez vous. Et qui plus est, je vous remercie. Et cela, c'est beaucoup de ma part, dit-il d'un air plus ouvert, en se retournant, et regardant Mr. Thornton en face pour la première fois. Et ceci est beaucoup de la mienne, dit ce dernier en lui prenant la main et l'étreignant fortement. « Maintenant, continua-t-il, reprenant le rôle de patron, ayez soin de venir exactement à l'heure. Je ne veux pas de flâneurs dans mes ateliers. Nous avons établi des amendes qui sont rigoureusement exigées. La première fois que je vous prends à vouloir exciter le désordre, je vous renvoie sans rémission. Ainsi vous voilà bien averti. Vous avez parlé de ma sagesse ce matin. Je compte que je pourrais l'amener avec moi, ou aimez-vous mieux m'avoir sans elle ? Sans votre sagesse, assurément, si vous l'employez à vous mêler de mes affaires. Avec elle, si vous vous bornez à vous occuper des vôtres. Il me faudra pas mal de jugement pour savoir juste où ma besogne finit et où la vôtre commence. Votre besogne n'a pas encore commencé et la mienne m'attend. Ainsi, au revoir. » Un moment avant que Mr. Thornton arrivât à la porte de Mrs. Butcher, Marguerite sortait de chez cette dernière. Elle ne le vit point, et il la suivit pendant quelque temps, admirant sa démarche légère et pleine d'aisance, sa taille élevée et sa tournure gracieuse. Soudain, cette simple émotion de plaisir fut empoisonnée par la jalousie. Il voulait la rejoindre et lui parler, pour voir quelle serait sa contenance, maintenant qu'il savait qu'il avait connaissance de son amour pour un autre. Il voulait aussi, mais il avait presque honte de ce désir, qu'elle sût qu'il avait justifié sa première opinion, qu'il s'était repenti du refus du matin. Il pressa donc le pas et l'aborda. Elle tressaillit. Permettez-moi de vous dire, Miss Hale, que vous avez été un peu prompte dans l'expression de votre désappointement. J'ai pris Higgins dans mes ateliers. Je vous en félicite, dit-elle avec froideur. Il m'a avoué vous avoir répété ce que j'ai dit ce matin sur... Et Mr. Thornton hésitait. Marguerite reprit. Sur l'intervention des femmes dans les affaires. Vous étiez tout à fait dans votre droit en exprimant cette opinion qui, je n'en doute pas, est parfaitement juste. Mais, reprit-elle un peu plus vivement, Higgins ne vous a pas dit l'exacte vérité. Ce dernier mot lui rappela en quoi elle avait failli elle-même, et elle s'arrêta tout court, excessivement embarrassée. Mr. Thornton ne savait d'abord que penser de cette brusque interruption, puis il se rappela le mensonge qu'elle avait fait et tout ce qui l'avait précédé. « L'exacte vérité, dit-il, bien peu de gens la disent. J'ai renoncé à l'attendre de qui que ce soit. Miss Hale, n'avez-vous aucune explication à me donner? Vous devez savoir ce que je veux dire. » Marguerite gardait le silence. Elle se demandait si elle pouvait hasarder une explication quelconque sans compromettre les intérêts de Frédéric. « Eh bien, dit-il en voyant qu'elle ne répondait point, je ne vous en demanderai pas davantage. Ce serait peut-être jeter une nouvelle tentation sur votre route. À présent, croyez-le bien, votre secret est en sûreté. Mais permettez-moi de vous dire que votre démarche imprudente vous a fait courir de grands risques. Je parle uniquement en ma qualité d'ami de votre père. Si j'ai pu aspirer à un autre titre ou caresser un autre espoir, cet espoir a dû nécessairement être anéanti. Mon opinion est donc tout à fait désintéressée. Je le sais, dit Marguerite en s'efforçant de paraître calme et indifférente. Je sais aussi combien je dois être déchue dans votre estime, mais ce secret appartient à un autre que je ne puis trahir. Je n'ai pas le moindre désir de pénétrer dans les secrets de ce monsieur, dit Mr. Thornton d'un air courroucé. L'intérêt que je vous porte est simplement celui d'un ami. Peut-être ne me croyez-vous pas, Miss Hale, mais vous auriez tort. Malgré la persécution dont je vous ai menacé à une certaine époque, j'ai bien complètement renoncé. Tout est fini. Vous me croyez, n'est-ce pas, Miss Hale ? Oui, dit Marguerite d'un accent calme et triste. Eh bien alors, je ne vois plus la nécessité de continuer à marcher ensemble. Je pensais que vous aviez peut-être quelque chose à me dire, mais je vois que nous ne sommes rien l'un à l'autre. Tout ce que je demande, c'est que vous soyez bien convaincu que j'ai étouffé cette folle passion. Je vous présente mes devoirs. » Il s'éloigna rapidement. « Que veut-il dire ? » pensa Marguerite. « Il parle comme si je croyais qu'il s'occupe encore de moi, tandis que je sais trop bien le contraire. Et comment pourrait-il m'aimer encore ? Sa mère, bien certainement, lui aura redit toutes les choses cruelles qu'elle est venue me dire à moi-même. Mais je ne veux plus y penser. Sûrement j'ai assez d'empire sur moi pour maîtriser cette folle, misérable et étrange faiblesse qui m'a presque fait trahir mon bon, mon cher Frédéric, dans le but de regagner la bonne opinion de cet homme, de celui-même qui s'est donné tant de peine pour me convaincre que je ne suis rien pour lui. Allons, mon pauvre cœur, prends courage. Nous nous soutiendrons l'un l'autre. Si tout nous abandonne, et si nous restons isolés du reste de l'univers. » Mr. Hale fut ce jour-là presque effrayé de la gaieté de sa fille. Elle parlait sans cesse et plaisantait d'une manière tout à fait inusitée. Il y avait, à la vérité, une nuance d'amertume dans toutes ses plaisanteries, et elle parlait avec ironie de la société de sa tante dans l'ancienne demeure de Harley Street. Mr. Hale s'abstint de lui en faire la remarque, parce qu'il était bien aise de lui voir secouer un peu sa mélancolie. Mais en toute autre circonstance, il n'eut pas manqué de réprimer en elle cet esprit de raillerie. Dans la soirée, Mary Higgins vint demander à parler à Miss Hale. Elle descendit, et lorsqu'elle remonta, son père crut voir des traces de larmes sur ses joues. Mais il se trompait sans doute, car elle rapportait de bonnes nouvelles. Higgins allait être employé dans la fabrique de Mr. Thornton. Qu'elle eût pleuré ou non, sa gaieté s'était envolée. Et, loin de retrouver ce flux de paroles qui tout à l'heure s'échappait de ses lèvres, elle avait peine à soutenir la conversation. Depuis quelques jours, Mr. Hale avait remarqué que son humeur changeait visiblement, et il commençait à s'en inquiéter quand il arriva des nouvelles qui promettaient de faire diversion à la vie monotone que menaient le père et la fille. Mr. Bell écrivait à son vieil ami qu'il allait venir lui faire une visite, et ce dernier s'imaginait que la société du respectable membre de l'université d'Oxford procurait à Marguerite autant de plaisir qu'à lui-même. Marguerite essaya de paraître s'intéresser à ce qui enchantait si fort son père. Mais au fond, elle était trop morose pour se laisser distraire par l'arrivée de Mr. Bell, tout son parrain qu'il était. Une lettre qu'elle reçut d'Edith fit plus d'impression sur son esprit. Cette missive était toute remplie de sentiments sympathiques pour la mort de sa tante, de détails sur elle-même, sur son mari et sur son enfant. Edith disait en terminant que, comme le climat était contraire à la santé du baby et que Mrs. Shaw désirait retourner en Angleterre, il était probable que le capitaine Lennox se déciderait à vendre sa commission et qu'il reviendrait bientôt se fixer dans la maison de Harley Street, qui, sans la présence de Marguerite, paraîtrait bien vide. Combien la jeune fille elle-même regrettait alors cette demeure de son enfance et la tranquillité de la vie paisible et régulière qu'elle y menait. Elle l'avait parfois trouvée un peu monotone alors, cette vie, mais depuis, elle avait été si bien ballottée par le sort, elle se sentait si épuisée par cette lutte récente avec elle-même, qu'il lui semblait qu'une stagnation complète serait pour elle un repos délicieux. Elle entrevoyait donc une longue visite à la famille Lennox lorsqu'il reviendrait en Angleterre comme un intervalle, non de plaisir mais de calme, pendant lequel elle retrouverait peut-être sa force et son empire sur elle-même. Il lui semblait, quant à présent, que tout la ramenait à la pensée de Mr. Thornton, que dans tous les sujets possibles de conversation, son nom se trouvait prononcé, et que malgré tous ses efforts, elle ne pouvait l'oublier un instant. Si elle allait chez les Higgins, elle était sûre d'y entendre parler de lui. Son père avait repris les lectures que Mr. Thornton et lui faisaient ensemble, et citait à chaque instant l'opinion de son élève bien-aimé. Il n'était pas jusqu'à la visite prochaine de Mr. Bell qui n'amena sur le tapis le nom de son locataire, car il disait dans sa lettre qu'il serait sans doute souvent occupé avec Mr. Thornton, parce que ce dernier demandait un nouveau bail et qu'il en faudrait régler les conditions.